Chapitre 139e, les jeux de mots de Monsieur Richelieu. Le duc de Richelieu, comme nous l'avons vu, s'était porté sur Lucienne avec cette rapidité de décision et cette sûreté d'intelligence qui caractérisait l'ambassadeur à Vienne et le vainqueur de Mahon. Il arriva, l'air joyeux et dégagé, monta comme un jeune homme les marches du perron, tira les oreilles de Zamor, ainsi qu'au beau jour de leur intelligence, et força pour ainsi dire la porte de ce fameux boudoir de satin bleu où la pauvre Lorenza avait vu Madame du Barry préparant son voyage de la rue Saint-Claude. La comtesse, couchée sur son sofa, tenait à M. d'Aiguillon ses ordres du matin. Tous deux se retournèrent au bruit et demeurèrent stupéfaits en apercevant le maréchal. « Ah, monsieur le duc !» s'écria la comtesse. « Ah, mon oncle !» fit M. d'Aiguillon. « Eh oui, madame, eh oui, mon neveu. « Comment, c'est vous ?»« C'est moi-même, en personne. »« Mieux vaut tard que jamais, » répliqua la comtesse. « Madame, » dit le maréchal, « quand on vieillit, on devient capricieux. » « Ce qui veut dire que vous êtes repris pour Lucienne d'un grand amour qui ne m'avait quitté que par caprice. »« C'est tout à fait cela, et vous achevez admirablement ma pensée. »« De sorte que vous revenez. »« De sorte que je reviens, c'est cela, » dit Richelieu en s'installant dans le meilleur fauteuil, qu'il avait distingué du premier regard. « Oh !» dit la comtesse, « il y a peut-être bien encore quelque chose d'autre que vous ne dites pas. Le caprice, ce n'est guère que pour un homme comme vous. Comtesse, vous auriez tort de m'accabler. Je vaux mieux que ma réputation, et si je reviens, voyez-vous, c'est... » « C'est, » interrogea la comtesse, « de tout cœur. » M. d'Aiguillon et la comtesse éclatèrent de rire. « Comme nous sommes heureux d'avoir un peu d'esprit, » dit la comtesse, pour comprendre tout l'esprit que vous avez. Comment ? Je vous jure que des imbéciles ne comprendraient pas, resteraient tout ébahis, et chercheraient tout autre part la cause de ce retour. En vérité, foi de du Barry, il n'y a que vous, cher duc, pour faire des entrées et des sorties. Mollet lui-même, est un acteur de bois auprès de vous. Alors vous ne croyez pas que c'est le cœur qui me ramène ? S'écria Richelieu. Comtesse, prenez garde. « Vous me donnerez de vous une mauvaise idée. Ne riez pas, mon neveu. Je vous appelle Pierre, et je ne bâtis rien sur vous. »« Pas même un petit ministère ?» demanda la comtesse. Et pour la seconde fois, la comtesse éclata de rire avec une franchise qu'elle ne cherchait point à déguiser. « Bon, frappez, dit Richelieu en faisant le gros dos. « Je ne vous le rendrai pas, hélas, je suis trop vieux. Je n'ai plus de défense. Abusez, comtesse, abusez. » C'est maintenant un plaisir sans danger. Prenez garde, au contraire, comtesse, dit d'Aiguillon. Si mon oncle vous parle encore une fois de sa faiblesse, nous sommes perdus. Non, monsieur le duc, nous ne vous battrons pas, car tout faible que vous êtes, ou que vous prétendez être, vous nous rendriez les coups avec usure. Non, voici toute la vérité. On vous voit revenir avec joie. Oui, dit la folle comtesse, et en honneur de ce retour, on tire les boîtes, les fusées. « Vous le savez, duc ?»« Je ne sais rien, madame, » dit le maréchal avec une naïveté d'enfant. « Eh bien, dans les feux d'artifice, il y a toujours quelques perruques roussies par les étincelles, quelques chapeaux crevés par les baguettes. » Le duc porta la main à sa perruque et regarda son chapeau. « C'est cela, » dit la comtesse. « Mais vous nous revenez, c'est au mieux. Quant à moi, je suis, comme vous le disiez, monsieur d'Aiguillon, d'une gaieté folle. Savez-vous pourquoi ?»« Comtesse, » vous allez encore me dire quelque méchanceté. Oui, mais ce sera la dernière. Eh bien, dites. Je suis gai, maréchal, parce que votre retour m'annonce le beau temps. Richelieu s'inclina. Oui, continua la comtesse, vous êtes comme les oiseaux poétiques qui prédisent le calme. Comment appelle-t-on ces oiseaux-là, monsieur d'Aiguillon, vous qui faites des vers ? Des alcyons, madame. Justement. Ah, maréchal, vous ne vous fâcherez pas, j'espère. Je vous compare à un oiseau qui a un bien joli nom. « Je me fâcherai d'autant moins, madame, » fit Richelieu avec sa petite grimace qui annonçait la satisfaction. Et la satisfaction de Richelieu présageait toujours quelque bonne noirceur. « Je me fâcherai d'autant moins que la comparaison est exacte, voyez-vous. Oui, j'apporte de bonnes, d'excellentes nouvelles. »« Ah !» fit la comtesse. « Lesquelles ?» demanda d'Aiguillon. « Que diable, mon cher duc, vous êtes bien pressé, » dit la comtesse. « Laissez donc le temps au maréchal de les faire. » « Non, je puis vous les dire tout de suite, elles sont toutes faites, et même, elles sont déjà d'ancienne date. »« Maréchal, si vous nous apportez des vieilleries... »« Dame, fit le maréchal, c'est à prendre ou à laisser, comtesse. Eh bien, soit, prenons. Il paraît, comtesse, que le roi a donné dans le piège. Dans le piège. Oui, complètement. Dans quel piège? Dans celui que vous lui avez tendu. Moi? Fit la comtesse. J'ai tendu un piège au roi. Parbleu, vous le savez bien. Non, sur ma parole, je ne le sais pas. Ah, comtesse, ce n'est pas aimable de me mystifier ainsi. Vrai, maréchal, je n'y suis pas. Expliquez-vous donc, je vous en supplie. Oui, mon oncle, expliquez-vous, dit l'aiguillon qui devinait quelque méchant dessein sous le rire ambigu du maréchal. Madame attend et est tout inquiète. Le vieux duc se retourna vers son neveu. Pardieu, il serait drôle que madame la comtesse ne vous eût pas mis dans sa confidence, mon cher d'aiguillon. Ah, dans ce cas, ce serait bien autrement profond encore que je ne croyais. Moi, mon oncle, lui, sans doute toi, sans doute lui. Voyons, comtesse, de la franchise. L'avez-vous mis de moitié dans vos petites conspirations contre sa majesté, ce pauvre duc qui a joué un si grand rôle? Madame du Barry rougit. Et il était si matin qu'elle n'avait encore ni rouge ni mouche. Rougir était donc possible. Mais rougir était surtout dangereux. Vous me regardez tous deux avec vos grands beaux yeux étonnés, dit Richelieu. Il faut donc que je vous instruise de vos propres affaires. Instruisez, instruisez, dirent à la fois le duc et la comtesse. Eh bien, le roi aura pénétré tout, grâce à sa merveilleuse sagacité, et il aura pris peur. Qu'aura-t-il pénétré? Voyons, demanda la comtesse, car en vérité, maréchal, vous me faites mourir d'impatience. Mais votre semblant d'intelligence avec mon beau neveu, que voici? D'Aiguillon pâlit et sembla dire par son regard à la comtesse. Voyez-vous, j'étais sûr d'une méchanceté. Les femmes sont braves en pareil cas, beaucoup plus braves que les hommes. La comtesse en vint tout de suite au combat. « Duc, dit-elle, je crains les énigmes lorsque vous remplissez le rôle de sphinx, car alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, il me semble que je vais être immanquablement dévoré. Tirez-moi d'inquiétude, et si c'est une plaisanterie, eh bien, permettez-moi de la trouver mauvaise. »« Mauvaise, comtesse, mais c'est qu'au contraire, elle est excellente, s'écria Richelieu. « Pas la mienne, la vôtre, bien entendu. »« Je n'y suis aucunement, maréchal, » dit madame du Barry en pinçant les lèvres, avec une impatience que son petit pied mutin décelait plus visiblement encore. « Allons, allons, pas d'amour-propre, comtesse, » continua Richelieu. « C'est bien. Vous avez redouté que le roi ne s'attache à mademoiselle de Tavernay. Oh, ne contestez pas, c'est démontré pour moi jusqu'à l'évidence. »« Oh, c'est vrai, je ne m'en cache point. Eh bien, ayant redouté cela, vous avez voulu de votre côté autant que possible piquer au jeu sa majesté. Je n'en disconviens pas après. » « Nous arrivons, comtesse, nous arrivons. » Mais pour piquer sa majesté, dont l'épiderme est un peu coriace, il fallait quelques aiguillons bien fins. Ah ah. Voilà, ma foi, un méchant jeu de mots qui m'est échappé. Comprenez-vous? Et le maréchal se mit à rire, ou à feindre de rire aux éclats pour observer mieux, dans les convulsions de cette hilarité, la physionomie tout anxieuse de ses deux victimes. « Quel jeu de mots voyez-vous donc là, mon oncle ?» demanda d'aiguillon, remis le premier et jouant la naïveté. « Tu ne l'as pas compris, » dit le maréchal. « Tant mieux. » Il était exécrable. « Eh bien, je voulais dire que madame la comtesse avait voulu donner de la jalousie au roi, et qu'elle avait choisi pour cela un seigneur de bonne mine, d'esprit, une merveille de la nature, enfin. »« Qui dit cela ?» s'écria la comtesse, furieuse comme tous ceux qui sont puissants et qui ont tort. « Qui dit cela ? Mais tout le monde, madame. » « Tout le monde, ce n'est personne, vous le savez bien, duc. » « Au contraire, madame. » Tout le monde, c'est 100 000 âmes pour Versailles seulement, c'est 600 000 pour Paris, c'est 25 000 000 pour la France. Et remarquez bien que je ne compte pas La Haye, Hambourg, Rotterdam, Londres, Berlin, où il se fait autant de gazettes qu'il se fait de propos à Paris. Et l'on dit à Versailles, à Paris, en France, à La Haye, à Hambourg, à Rotterdam, à Londres et à Berlin. Eh bien, on dit que vous êtes la plus spirituelle, la plus charmante femme de l'Europe. On dit que... grâce à cet ingénieux stratagème de paraître avoir pris un amant. Un amant? Et sur quoi fonde-t-on, je vous prie, cette stupide accusation? Accusation? Que dites-vous, comtesse? Admiration? On sait qu'au fond, il n'en est rien, mais on admire le stratagème. Sur quoi on fonde cette admiration, cet enthousiasme? On le fonde sur votre conduite étincelante d'esprit, sur votre tactique savante. On le fonde sur ce que vous avez faim, avec un art miraculeux, de rester seul la nuit. Vous savez, la nuit où j'étais chez vous, où le roi était chez vous, et où M. d'Aiguillon était chez vous, la nuit où je suis sorti le premier, où le roi est sorti le second, et M. d'Aiguillon le troisième. Eh bien, achevez. Sur ce que vous avez faim de rester seul avec d'Aiguillon, comme s'il était votre amant, de le faire sortir à petit bruit le matin de Lucienne, toujours comme s'il était votre amant, et cela de façon à ce que deux ou trois imbéciles, deux ou trois gobe-mouches, comme moi par exemple, nous le vissions pour l'aller crier sur les toits, de sorte que le roi l'aura su, aura pris peur, et vite vite, pour ne pas vous perdre, aura quitté la petite tavernée. Madame du Barry et d'Aiguillon ne savaient plus quelle contenance tenir. Richelieu ne les gênait cependant ni par ses regards ni par ses gestes. Sa tabatière et son jabot paraissaient, au contraire, absorber toute son attention. « Car enfin, » continua le maréchal, tout en chiquenaudant son jabot, « il paraît certain que le roi a quitté cette petite. »« Duc, » reprit Madame du Barry, « je vous déclare que je ne comprends pas un mot à toutes vos imaginations, et je suis certaine d'une chose, c'est que le roi, si on lui en parlait, n'y comprendrait pas davantage. »« Vraiment ?» fit le duc. « Oui, vraiment. Et vous m'attribuez, et le monde m'attribue beaucoup plus d'imagination que je n'en ai. Jamais je n'ai voulu piquer la jalousie de Sa Majesté par les moyens que vous dites. Comtesse, je vous le jure. » « Comtesse, la parfaite diplomatie, et il n'y a pas de meilleur diplomate que les femmes, la parfaite diplomatie n'avoue jamais qu'elle a rusé en vain. Car il y a un axiome qui dit « Ne donnez à personne le moyen qui vous a réussi une fois, car il peut vous réussir deux fois. » « Mais duc, le moyen a réussi, voilà tout, et le roi est au plus mal avec tous les tavernais. »« Mais en vérité, duc, » s'écria Madame du Barry, « vous avez une façon de supposer les choses qui n'appartient qu'à vous. » »« Ah, vous ne croyez pas le roi brouillé avec les tavernais ?» fit Richelieu en élu dans la querelle. « Ce n'est pas cela que je veux dire. » Richelieu essaye de prendre la main de la comtesse. « Vous êtes un oiseau, » dit-il, « et vous un serpent. »« Ah, c'est bien. Une autre fois, on s'empressera de vous apporter de bonnes nouvelles pour être récompensé ainsi. » « Mon oncle, détrompez-vous !» dit vivement d'Aiguillon, qui avait senti toute la portée de la manœuvre de Richelieu. « Nul ne vous apprécie autant que Madame la Comtesse, et elle me le disait encore au moment où l'on vous a annoncé. »« Le fait est, dit le maréchal, que j'aime fort mes amis. Aussi ai-je voulu le premier vous apporter l'assurance de votre triomphe, Comtesse. Savez-vous que Tavernet le père voulait vendre sa fille au roi ?»« Mais c'est fait, je pense, » dit Madame du Barry. « Oh, Comtesse, que cet homme est adroit. C'est lui qui est un serpent. » Figurez-vous que moi, je m'étais laissé endormir à ces contes d'amitié, de vieille fraternité d'armes. On me prend toujours par le cœur, moi. Et puis en vérité, comment croire que cet Aristide de province viendra exprès à Paris pour essayer de couper l'herbe sous le pied à Jean du Barry, c'est-à-dire au plus spirituel des hommes? Il a en vérité fallu tout mon dévouement à vos intérêts, comtesse, pour me rendre un peu de bon sens et de clairvoyance. D'honneur, j'étais aveugle. « Et c'est fini à ce que vous dites du moins ?» demanda Madame du Barry. « Oh, tout à fait fini, je vous en réponds. J'ai étancé si vertement ce digne pourvoyeur qu'il doit avoir pris son parti maintenant, et que nous sommes maîtres du terrain. Mais le roi ?»« Le roi ?»« Oui. » »« Sur trois points, j'ai confessé Sa Majesté. Le premier, le père. Le second, la fille. Et le troisième, le fils. Or, Sa Majesté a daigné nommer le père un complaisant. Sa fille, une pimbèche. Et quant au fils, Sa Majesté ne l'a pas nommé du tout, car elle n'en s'en est même pas souvenue. Très bien, nous voilà débarrassés de la race tout entière. Je le crois. Est-ce la peine de faire envoyer ceux-là dans son trou? Je ne le pense pas. Ils en sont aux expédients. Et vous dites que ce fils, à qui le roi avait promis un régiment, ah, vous avez une meilleure mémoire que le roi, comtesse. Il est vrai que Messire Philippe est un fort joli garçon qui vous envoyait forceillade. Et des plus assassines même, dame. Il n'est plus ni colonel, ni capitaine, ni frère de favorite. Mais il lui reste d'avoir été distingué par vous. En disant cela, le vieux duc essayait d'égratigner le cœur de son neveu avec les ongles de la jalousie. Mais M. d'Aiguillon ne songeait pas à la jalousie pour le moment. Il cherchait à se rendre compte de la démarche du vieux maréchal et à distinguer le véritable motif de son retour. Après quelques réflexions, il espéra que le vent de la faveur avait seul poussé Richelieu à Lucienne. Il fit à Madame du Barry un signe que le vieux duc aperçut dans un trumeau, tout en ajustant sa perruque, et aussitôt la comtesse invita Richelieu à prendre le chocolat avec elle. D'Aiguillon prit congé avec 1000 caresses faites à son oncle et rendues par Richelieu. Ce dernier resta seul avec la comtesse devant le guéridon que venait de charger Zamor. Le vieux maréchal regardait tout ce manège de la favorite en murmurant tout bas. Il y avait un temps, j'eusse regardé la pendule en disant « Dans une heure, il faut que je sois ministre, et je l'eusse été. quelle sotte chose que la vie, continua-t-il toujours, se parlant à lui-même. Pendant la première partie, on met le corps au service de l'esprit. Pendant la seconde, l'esprit, qui seul a survécu, devient le valet du corps. « Cher maréchal, » dit la comtesse, interrompant le monologue intérieur de son hôte, « maintenant que nous sommes bien amis, et surtout maintenant que nous ne sommes plus que deux, dites-moi pourquoi vous êtes donné autant de mal à pousser cette mijaurée dans le lit du roi ?»« Ma foi, comtesse, » répondit Richelieu en effleurant sa tasse de chocolat du bout des lèvres. « C'est ce que je me demandais en moi-même. Je n'en sais rien.